Voici votre bulletin régional. Le souper spaghetti bénéfice de Moisson au Saint-François aura lieu de 26 novembre à 18h à la polyvalente Louis-Saint-Laurent et Stingus. Coût 22 $. On doit réserver au 819-943-2781. Personnalisez vos cartes de Noël et le thème d'un atelier amusant qui se donnera à la salle de la place Auckland de Saint-Isidore de Clifton le 26 novembre de 13h à 15h30. Tout le matériel sera fourni. Le coût est de 5 $ par personne. Inscription à la bibliothèque de Saint-Isidore. En collaboration avec le Centre de services éducatifs populaires, un atelier sur la fraude sera offert aux femmes du Haut-Saint-François le 26 novembre dès 13h30 à Courchire. Inscription ou information à la passerelle. L'aide domestique du Haut-Saint-François convoque tout le monde à son Assemblée générale annuelle le 27 novembre à 9h au 50 rue Laurier à Stingus. La Quebec Farmers Association offre une vidéoconférence intitulée « Improving Soil Management and Crop Production » au Eaton Valley Community Learning Center situé au bout de l'école Pope Memorial à Bury. C'est gratuit et ça se déroule le 27 novembre dès 19h30. Les 27 et 28 novembre, campagne de financement au profit de la maison Aube Lumière, vente de poinsettia pour Noël à la pharmacie proxime de Stingus. Le vaccin antigrippal sera offert les 28 et 29 novembre au CLSC d'Stingus. Le 28, de 13h30 à 20h, le 29, de 9 à 16h. Golden Age Fun Time est une nouvelle activité organisée au Bulwer Community Center le 28 novembre dès 14h. Musique, repas. Entrée libre. Information, Peggy Roy. Souper de Noël pour les membres du Club Amitié FADOC Distinguis le 5 décembre. On doit réserver avant le 28 novembre auprès de Hélène ou de Pierrette.